Le grain de sable d'Attaque Québec. Bonsoir, c'est Valérie Blouin qui vous parle et qui est très contente de vous retrouver en ce merveilleux vendredi soir. Je vous souhaite donc la bienvenue à l'émission Le Grain de Sable du groupe Attaque Capitale Nationale, une émission préparée par Cédric Leterme et dont la mise en onde ce soir est assurée par notre camarade Jeanne Gutiérrez, qu'on salue. Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau numéro hors série de la revue Alternative Internationale. Alors, consacré à l'état de la mondialisation en 2011. Alors, Cédric Leterme viendra nous donner un aperçu de la mine d'informations qui est reprise dans ce document. Vous êtes bien chanceux. Ensuite, en deuxième partie d'émission, on aura le plaisir de recevoir Fernand Dumont, membre de l'organisme Développement et Paix, qui viendra nous parler de son expérience dans la coopération internationale en Bolivie. Tout ceci, bien évidemment, après une courte pause musicale. Alors, restez bien avec nous. On se retrouve tout de suite après toujours. C'est sur les ondes CKRL, la radio qui cultive tes goûts. Aujourd'hui, les marchés se sont plutôt bien comportés. Indice qui sommes nous, moins 0,05, indice où allons-nous, 1,5, indice d'où venons-nous, 4,0, indice mystère et trou noir, moins 0,9, indice individuel 29,0, sens de la vie 4,8, confiance en soi 0,6, température du corps 37,25, température extérieure 21 degrés. Jouissance des biens matériels 0,8. Fréquentation des toilettes 3,0. Nombre de mots employés 182. Poésie effective réelle 11,1. Taux de culpabilité moins 14,3. État du réel 3,1. Sensation du temps qui passe 4,8. Déchiffrement du réel 2,7. État du possible 0,8. Demande affective effective 1,5, offre affective effective 1,3, difficulté surmontée 1,7, degré de partage 0,2, indice amour 2,0, abstraction 0,02, enthousiasme 0,8, taux de culpabilité 1,0, sécurité 0,81, absence. Le chiffre Alors, merci Jeanne. De retour à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Alors, vous vous rappelez, on a commencé l'année il y a 2 semaines. On vous proposait un regard sur quelques-uns des grands défis qui allaient marquer 2011 au niveau international. Alors, on a retenu 3 grands domaines dans lesquels les changements allaient être particulièrement importants. Alors, je rappelle ici l'écologie, l'économie et la géopolitique. Alors, la revue Alternative Internationale vient justement de publier un numéro hors série consacré à l'état de la mondialisation en 2011, dans lequel on peut retrouver une quantité incroyable d'informations sur la plupart de ces grands enjeux mondiaux. On est rejoint par Cédric Leterme, notre fidèle collaborateur et réalisateur de l'émission, qui a parcouru pour nous ce document. Bonsoir Cédric. Bonsoir Valérie. Alors, c'est tout un dossier que tu viens nous présenter. L'état de la mondialisation, rien que ça. Oui, rien que ça. C'est vrai que ça peut paraître un peu ambitieux, voire peut-être même présomptueux de dire on va sortir comme ça un bilan de la situation mondiale pour 2011. C'est vrai que quand on voit tout ce qui se passe au jour le jour partout sur la planète, on se dit que ça prendrait des milliers et des milliers de pages pour réussir à en faire le tour. Mais là, je dois dire que l'exercice auquel s'est livré la revue Alternative Internationale, il est assez bien fait, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire et c'est de très bonne facture tant au niveau de la qualité que de la quantité. Alors génial, ça on aime, l'Attaque Québec on aime ça. Oui, on aime beaucoup. Alors on vous en parle. Alors je veux juste repréciser que c'est donc un numéro hors série de la revue Alternative Internationale. Oui, c'est vrai. C'est vrai, peut-être pour revenir juste sur la revue, en fait c'est une publication Alternative Internationale qui a été lancé par le mensuel Alternative Économique, qui est lui un mensuel français, qui est sorti quand même déjà 15 années, je pense, et qui, l'objectif c'était d'essayer de proposer une vision plus critique des enjeux économiques. Or, sur le même esprit, ils ont lancé cette publication-là, Alternative Internationale, qui s'occupe ici plus de géopolitique internationale, et qui sort une fois tous les 3 mois. Et alors chaque année, depuis qu'ils ont commencé à faire ça, ils sortent un hors-série qui propose un bilan de l'année, donc ils appellent ça l'état de la mondialisation, et qui propose alors d'une part des analyses sur toute une série de grands enjeux, mais aussi qui donne des informations brutes, des statistiques, des indicateurs, etc., sur toutes les régions de la planète et sur ces grands enjeux-là. Alors c'est une revue crédible ? Oui, extrêmement, parce que c'est vraiment fait par des experts, par des profs d'UNIF, etc., du domaine. C'est vraiment très intéressant, c'est très complet. Ici le numéro il fait à peu près 145 pages, donc c'est dense, quoi. Il y a du stock dedans. C'est sûr qu'il y a un choix qui est fait. Ils peuvent pas parler de tout, donc on peut peut-être regretter qu'il y ait certaines choses qui soient abordées et d'autres pas. Ça dépend un peu du point de vue personnel après. Parfois, ça, c'est peut-être un plus gros problème. On n'est pas forcément d'accord avec les points de vue qui sont donnés. Comme je disais, la plupart du temps, c'est des profs d'UNIF, c'est des experts qui sont experts auprès d'institutions internationales reconnues. Donc c'est vrai que des fois, malgré l'objectif qui est poursuivi par la revue de donner un point de vue critique, ça l'est pas tellement. C'est des points de vue qui sont assez officiels, institutionnels, on va dire. Donc on peut peut-être regretter parfois ce côté-là qui est pas assez critique, et c'est une vision aussi très occidentale des problèmes mondiaux et du monde en général. Donc c'est sûr qu'il faut garder un esprit critique par rapport à ça, mais ça c'est juste les côtés négatifs. Le côté positif, c'est que c'est vraiment une mine d'informations extrêmement intéressante, et ça donne en une fois, en un seul document, un très bon aperçu de l'état de la planète. Alors comment ça se présente, ces informations-là? De quelle façon c'est disposé, là, ces infos, cette bible-là? Je pense qu'il y a des grands thèmes? Oui, c'est ça. En gros, c'est à peu près ça. Ils regroupent ça en différents thèmes. En fait, les 3 premières parties, c'est des thèmes transversaux, on va dire, plus généraux. Donc c'est... ils disent géopolitique, économie et puis société, donc ça traite vraiment de thèmes généraux, quoi. Et après, on a toutes les régions du monde qui sont passées en revue l'une après l'autre, donc l'Afrique, Maghreb, Moyen-Orient, Amérique, Asie et puis enfin Europe. Ce qui est vraiment très bien dans la façon dont c'est présenté, c'est qu'à chaque début de grande section, on a une double page où on a... on a plusieurs indicateurs, plusieurs statistiques qui sont pertinentes sur la section qui suit. Donc tout ça est présenté sous forme de graphiques, de tableaux, mais c'est à chaque fois très clair et très lisible. Donc c'est vraiment au premier coup d'œil, on comprend ce qu'ils veulent nous montrer. Juste pour te donner des exemples, pour la géopolitique, ça commence par quelques cartes sur les principaux conflits dans le monde. On retrouve aussi l'évolution, par exemple, des dépenses militaires. On a un tableau qui reprend ça. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, on peut voir là-dedans qu'entre 2008 et 2009, sur l'ensemble de la planète, les dépenses militaires elles ont augmenté de 25% en pleine crise. Et ça, c'est à peu près pour toutes les régions. Donc, c'est assez frappant de voir ce genre d'informations-là. Un autre exemple, pour la partie société, on peut voir l'évolution du chômage dans le monde à travers les différentes régions. On peut voir l'urbanisation aussi en fonction des régions. Comment est-ce que la campagne se vide petit à petit au profit des villes et à quelle vitesse? On a tous les indicateurs sociaux, la santé, l'éducation, les taux de mortalité, etc. Donc, rien que là, déjà, ça aide à avoir, juste en un seul coup d'œil, une bonne idée de la situation actuelle au niveau mondial dans toutes ces régions-là. Puis c'est très rare, en fait, d'avoir toutes ces informations-là au sein d'un même document. C'est toutes des informations qui sont publiques. D'ailleurs, ils donnent les sources. Mais généralement, il faut aller sur les différents sites des institutions. C'est difficile à chercher. Mm-hmm. C'est jamais très clair. Donc là, ils le donnent vraiment de manière très pédagogique. Alors, c'est une belle synthèse, mais ça ressemble un petit peu à l'état du monde. Oui, c'est un peu la même idée. La même idée, ok, génial. Donc, alors avant d'aller à une pause, est-ce qu'il y a des dossiers qui t'ont marqué? Oui, ben c'est sûr que on retrouve évidemment les débats classiques du moment sur, bon, par exemple, la question environnementale, les défis qui se posent au niveau économique, au niveau écologique, les discussions qui entrent les différents pays. On a évidemment des articles sur l'ascension de la Chine, sur ce que ça implique de nouveau au niveau économique, géopolitique, etc. Donc tout ça, ben, c'est évidemment, c'est des questions très intéressantes. On reviendra peut-être après la pause sur d'autres dossiers qui touchent de plus près à Attaque. Mais moi, je voulais déjà parler maintenant d'un article qui m'est particulièrement intéressé. C'est une chose dont on parle peut-être moins, on en entend parler de temps en temps, mais là c'était bien d'avoir l'avis justement d'un expert là-dessus. C'est en fait une entrevue qui a été accordée par une spécialiste du droit international, et l'article porte, enfin l'entrevue plutôt, porte sur la question de la lutte contre le terrorisme et les menaces que ça fait peser sur l'état de droit dans beaucoup de pays, et notamment les pays développés. L'auteur, elle revient sur les attentats du 11 septembre et sur le fait que ça a été utilisé dès le lendemain, cette paranoïa-là du terrorisme. Beaucoup de pays l'ont utilisé pour généraliser le recours à ce qu'on appelle des mesures d'exception. Les mesures d'exception, c'est des mesures qui sont généralement autorisées par les constitutions des pays, où on peut adopter des lois qui restreignent les libertés individuelles, les libertés fondamentales, pour raison d'urgence, quoi. Alors le cas le plus habituel, évidemment, c'est en cas de guerre, on va adopter des lois qui restreignent les libertés parce qu'on est en cas de guerre. Bon, personnellement, je trouve que la logique même de l'existence des mesures d'exception, elle est un peu douteuse, mais le plus gros problème dans le cas actuel, c'est qu'avec la guerre contre le terrorisme qui est censée justifier ces mesures-là, cette guerre-là, c'est une guerre qui est très spéciale parce qu'elle peut durer indéfiniment. Le terrorisme, on peut pas vraiment l'identifier. C'est pas comme si on se battait contre un pays qu'il suffit de renverser. Donc la guerre contre le terrorisme, ça peut durer tant qu'il y a des terroristes. Et vu qu'on sait pas où ils sont, on peut prolonger indéfiniment. Ça peut viser différentes organisations. Ça peut viser, voilà, exactement. C'est excessivement vague. En plus, le terrorisme, il n'y a pas vraiment de définition exacte. Donc on peut fourrer tout et n'importe quoi dedans. Donc ce qu'elle dénonce, en fait, c'est vraiment une banalisation de ces mesures-là de sécurité, de ces atteintes à la liberté en se justifiant sur la plus grande sécurité qu'elle serait censée apporter. Et elle observe que c'est vraiment une tendance généralisée, pas seulement aux États-Unis, où là ils ont poussé la logique très très loin, notamment avec Guantanamo, qui est un des cas les plus connus, où on a des prisonniers qui sont là depuis 10 ans en dehors de tout système légal, avec aucune garantie que ce soit. Mais c'est dans d'autres pays, c'est le cas aussi. On se souvient par exemple de Toronto où le chef de la police avait accusé les manifestants de terroristes et avait beaucoup joué sur ce registre-là pour justifier la violation massive de droits qui avait eu lieu pendant le sommet. Donc, il y en a eu beaucoup, des mesures d'exception prises. Je pense qu'il y a d'ailleurs certains manifestants qui ont encore des problèmes avec la justice. Tout à fait. Il y a même des policiers maintenant qui ont des problèmes avec la justice. Donc là, la balance se rétablit très très tranquillement. Mais bon, on peut avoir espoir qu'elle va se rétablir totalement. Alors, chers auditeurs, on va devoir prendre une petite pause musicale. Alors, restez bien avec nous. Au retour, on se penchera plus en détail sur d'autres dossiers abordés par la revue Alternative Internationale. Alors, c'est le hors-série qui est consacré à l'état de la mondialisation. À tout de suite. Moi, quand j'étais petit, j'avais mal. C'était l'état de mon esprit, je suis né malade. Sur l'échelle de Richter de la misère, malade, ça vaut bien 6. Quelques degrés en dessous de là où c'est gradué. Fou. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. J'étais voleur et avant d'aller voler, je priais. Je demandais à Dieu de ne pas me faire attraper. Je lui demandais que la pêche soit bonne. Qu'à la fin de la journée, le liquide déborde de mes poches. Bien souvent, j'ai failli me noyer. J'ai été à sec aussi, souvent. Quand je croisais papa le matin, aller travailler avec sa 102 bleue. En rentrant le matin de soirée, je me disais, c'est un bonhomme, mon vieux. Ensuite, je me faufilais dans mes couvertures et je dormais toute la journée. Le style vampire, dormir la journée et rôder une fois le soleil couché. Le genre prédateur à l'envers, le genre qui à la vue d'un poulet meurt de peur. Je ne me suis jamais fait prendre ici. Et si j'avais été pris au keuf, j'aurais dit les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. Les autres. Les autres. J'étais beau parleur et souriais aux filles en jean avec des grosses ceintures. Celles qui aiment bien l'odeur que dégagent les gars qui ont la réputation d'être des ordures. Le genre a juré sur la vie de sa mère dès qu'il ouvre la bouche. Rêve de BMW pour asseoir à la place du mort celle qui couche. Dans mon monde, un mec comme moi, c'est le top. J'aurais été une fille, on me traiterait de sale. Quand je croisais ma sœur avec ses copines dans le quartier, moi qui allais en soirée, je lui disais « Rentre à la baraque, va faire à bouffer !» Ensuite, j'allais rejoindre mes copines, celles qui me faisaient bien délirer. Celles qui, comme moi, avaient un père, une mère, peut-être bien des frères et sœurs qui s'aimaient moi. Du genre beau parleur à l'endroit, sans foi ni loi, mais c'était pas moi le chien. Mais les autres, les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres, les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres, les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. Et puis les autres, et puis les autres. Et puis du jour au lendemain j'ai viré prêcheur, promettant des flammes aux pécheurs et des femmes aux bons adorateurs. Comme si Dieu avait besoin de ça pour mériter qu'on l'aime. Mais moi, moi pour que les autres m'aiment, moi, moi, moi j'en ai dit des choses pas belles. Et j'en ai accepté aussi, on m'a dit t'es noir, tu veux te marier avec elle mais t'es noir. Les autres ils disaient comme ça qu'elle était trop bien pour moi. Donc moi, moi je faisais de la peine à voir moi. Moi, moi je continuais ma parodie, mon escroquerie spirituelle. Sauf que... je me carottais moi-même. J'étais devenu un mensonge sur pattes qui saoule grave. Et qui sait même pas ce qu'il dit. Qui voit même pas que c'est un malade et qui dit comme ça. Qui dit comme ça tout le temps, il dit comme ça, il dit. Les autres. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Et je vous dis, monsieur. Je vous dis, monsieur. Quand je pense à tout ça, monsieur. Je pleure, je pleure. Entendu Abdel Malik avec les autres. Merci Jeanne. Alors de retour à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL avec Valérie Boulouin au microphone qui est toujours en compagnie de Cédric Leterme. Alors on était en train de passer en revue le numéro hors série du magazine Alternative Internationale, alors qui est consacré à l'état de la mondialisation en 2011. Un document dans lequel vous pouvez retrouver une mine d'informations sur la plupart des grands enjeux internationaux du moment. Alors, c'est très d'actualité. Alors, justement, Cédric, tu voulais en aborder un ou deux ici avec nous? Oui, ben, c'est sûr qu'on pourra pas tous les faire. Non, hein? Les 145 pages, ce serait assez long. J'en doute. Mais il y a deux sujets en particulier qui recoupaient les préoccupations principales d'Attaque pour le moment. Donc, je pensais que c'était intéressant d'en toucher un mot. Tout à fait. C'est d'une part, ben, la fameuse question de la régulation de la finance internationale. On entend tellement parler. Et d'autre part, la question de du creusement des inégalités. Oh, des gros dossiers. Ouais, des gros alors, dossiers. Au niveau de la finance, qu'est-ce qui en dit? Mais qu'est-ce qu'ils en disent? En fait, il y a deux articles qui traitent de cette question-là en particulier. C'est signé par deux économistes assez réputés pour être, peut-être pas de gauche quand même, mais alternatifs, quoi. Donc, ils sont assez critiques du courant libéral en économie. Alors, ces deux-là, ils commencent, donc c'est Christian Chavagneux et Michel Aglietta, quand même, citer leur nom. Alors, eux, ils commencent évidemment par nous rappeler que la crise a définitivement enterré l'idée que les marchés pouvaient se réguler tout seuls, ou en tout cas, ça devrait être la première leçon à tirer, même si on a l'impression que parfois tout le monde l'a pas tiré encore. Mais ils disent que, bon, en tout cas, au niveau des économistes et de la plupart des dirigeants, on s'est quand même rendu compte que quand on laissait la finance aller à elle-même, c'était la catastrophe. Pour la plupart. Voilà, pour la plupart. Donc, ils essayent, en fait, de montrer à travers leur article, d'une part, ce qui a déjà été fait pour réguler un petit peu les marchés et la finance, mais surtout ce qui reste à faire. Ce qui est intéressant, en fait, c'est le point de vue des deux qui sont à des degrés divers, mais quand même assez optimistes sur la possibilité finale de réguler la finance, de pouvoir lui mettre des barrières efficaces, etc., pour pas qu'elle dérape trop. Je trouvais ça intéressant, parce qu'il y en a d'autres qui adoptent des positions peut-être un peu plus radicales et qui disent que carrément, il faudrait interdire certaines choses et que la finance ne peut pas être régulée. Elle va toujours chercher un moyen de contourner les régulations. Ouais, c'est un débat qui est intéressant. C'est souvent mal vu, la régulation. Ouais, c'est ça. Mais on pense toujours que c'est trop peu, puisque à chaque fois qu'il y a une crise, on régule plus. Et puis à chaque fois, la crise suivante, on se rend compte qu'on n'avait pas assez régulé. Donc, faudrait peut-être commencer à se dire qu'il y a d'autres voies à creuser. Donc ça, c'est peut-être un côté plus dommage qui présente juste un point de vue en faveur de la régulation, puis pas l'autre point de vue plus radical. Mais bon, en tout cas, ce qu'ils nous disent, le premier, lui, il est Christian Chavagneux, lui, il est extrêmement optimiste. Lui, il nous dit que contrairement à ce que beaucoup de pessimistes et de sceptiques disent, le G20 n'a pas été si inutile que ça. Il a quand même fait des avancées. Alors, il souligne le fait qu'il y a des grosses législations qui ont été adoptées aux États-Unis, c'est vrai, en Europe aussi, pour essayer d'encadrer la finance. Au niveau international aussi, on a adopté de nouvelles normes. On a notamment obligé les banques à avoir plus de fonds en réserve. Donc, si jamais il y a une nouvelle crise qui arrive, il faudrait qu'elles fassent toute seule et non plus avec les fonds publics. Donc ça, c'est des choses... Attends. Est-ce que je peux rire là ici? Oui, tu peux rigoler. Répète donc ce que tu viens de nous dire. Donc d'essayer de faire en sorte que les banques s'en sortent toutes seules. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que l'idée est bonne finalement. Et ne pas utiliser de fonds publics. Comme ça est arrivé aux États-Unis. Comme c'est arrivé à travers le monde en fait. Mm-hmm. Donc après cette poussée d'optimisme, il nous dit quand même qu'il y a beaucoup qui reste à faire, parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses d'une part qui sont pas couvertes par les législations. Par exemple, les produits dérivés qui sont vraiment au cœur de la crise qui a éclaté aux États-Unis, ils sont pas couverts par la législation américaine. Donc, il y a quand même un gros problème là-dessus. En plus, on ne sait pas comment elle sera appliquée, parce qu'il y a des délais d'application qui sont excessivement longs. L'industrie financière fait un lobbying intense pour atténuer les effets de la réforme, etc., etc. Donc, à la fin de son article, on se demande un petit peu comment est-ce qu'il peut être aussi optimiste au début, comment est-ce qu'il en arrive à cette conclusion-là, parce qu'apparemment, il n'a pas lu lui-même ce qu'il était en train d'écrire, quoi, donc c'est un peu particulier. Donc ça, c'est pour le premier. Le deuxième auteur qui traite de ça, Michel Aglietta, lui, il est nettement moins optimiste. Lui, il commence déjà par dire qu'il n'y a pas vraiment d'initiative coordonnée, que c'est vrai que le G20 discute, mais que la plupart des actions qui sont entreprises, c'est pas dans le cadre du G20, c'est fait au sein de l'Union européenne, au sein des États-Unis, mais sans qu'il y ait coordination. Au niveau international aussi, c'est dispersé dans plein d'organismes, donc ça empêche finalement d'avoir quelque chose de vraiment englobant. Et puis, il dénonce lui aussi le fait que l'industrie de la finance fait tout son possible, et on sait les moyens qu'ils ont pour essayer de limiter les effets de la réforme. Et en gros, lui, il nous dit tout simplement que si on avait de nouveau une crise maintenant, on serait tout autant otage que ce qu'on l'a été il y a un ou deux ans, et donc on devrait de nouveau se porter au secours des banques, parce que c'est toujours la même histoire, si les banques s'écroulent à l'heure actuelle, on n'a aucun mécanisme pour empêcher qu'elles emportent toute l'économie avec elles. Donc c'est un peu bizarre parce que c'est ça. Lui, il est nettement moins optimiste, mais il pense quand même qu'on peut y arriver avec plus de régulation, quoi. Ok, donc c'est quand même un bilan assez, en tout cas plutôt mitigé. C'est sûr que le bilan est plutôt mitigé. C'est pour ça qu'on s'étonne de voir qu'ils restent quand même confiants tous les deux dans la possibilité de réguler tout ça. Là-dessus, je voudrais juste dire que même le FMI considère qu'il y a un gros problème à l'heure actuelle avec la régulation financière. Le FMI peut pas vraiment être considéré comme un bastion de gauchistes, quoi. Son directeur général, Dominique Strauss-Kahn, je cite ses mots, il a condamné la résurgence inacceptable de la spéculation financière par les banques et les banquiers, et il impute ça à l'échec du G20 d'avoir su mener à bien les plans de réforme de la réglementation financière qu'il avait pourtant mis en marche en 2009. Donc là, on a de l'aveu même du FMI, on a la preuve que la régulation financière a totalement échoué, en tout cas à l'heure actuelle. Donc si même le FMI se rend compte finalement qu'il y a un gros problème avec la finance, qu'elle est vraiment dans une logique destructrice et même suicidaire, parce que finalement, elle scie la branche sur laquelle elle est elle-même assise en cherchant des gains à court terme, elle finit par mettre en danger l'économie sur laquelle elle repose quand même inévitablement en dernier recours. Donc si même le FMI se rend compte, c'est là qu'on se dit qu'il serait peut-être temps de commencer à peser le pour et le contre de la finance et se dire, et là j'aimerais bien rappeler ce que Frédéric Lordon lui préconise comme approche, qui est un économiste du point de vue peut-être plus radical, on en a déjà parlé ici à l'émission, il écrit souvent dans Le Monde Diplomatique, et lui il dit qu'il faudrait tout simplement se poser la question, qu'est-ce que nous apporte la finance, qu'est-ce que nous a apporté la libéralisation et la mondialisation financière jusqu'à maintenant, et est-ce que ça justifie vraiment les risques qu'elle fait peser sur l'économie et la logique qu'elle a imposée aussi à l'économie. Et à partir du moment où on se rend compte que les risques et les coûts de la finance sont bien au-delà de ses avantages, pourquoi est-ce qu'on démondialiserait pas la finance et finalement est-ce qu'on ne mettrait pas tout simplement un arrêt plutôt que d'essayer de réguler et de mettre en place des règles qu'elle va probablement finir par contourner, quoi. Tout simplement. Tout simplement, voilà. Pourquoi pas? Alors, c'est sûr qu'il y a sûrement d'autres façons d'aborder ces problèmes-là, mm-hmm. la problématique au niveau financier, mais alors à suivre, n'est-ce pas? Oui, à suivre, ça fait, on va voir. Puis est-ce que tu voulais nous parler d'un autre dossier? Oui, la question des inégalités, je trouvais aussi que là c'était un article qui était assez frappant. Donc il porte en fait sur l'augmentation généralisée des inégalités, et ça depuis les 20-30 dernières années. C'est assez fou, parce que c'est vraiment pour l'ensemble des pays développés. Ils disent qu'il y en a 3 pour lesquels on n'arrive pas à prouver cette augmentation-là, et c'est tout simplement parce qu'on n'a pas les données. Je crois que c'est l'Allemagne, la Suisse et les Pays-Bas. On n'a pas les données, donc on sait pas se prononcer, mais pour tous les autres pays développés, depuis 20 ou 30 ans, les inégalités sont creusées, parfois de manière assez forte. Mmh. Alors, les chiffres cités sont impressionnants ou effrayants, c'est selon le point de vue. Juste pour citer les États-Unis, évidemment, où là c'est le plus affolant, quoi. Donc, à la moitié des années 70, les 1% les plus riches des Américains recevaient 9% du revenu national, quoi. Okay. En 2006, ils en recevaient 23%. Quand même. Donc là, on imagine l'ampleur du creusement qui s'est opéré. C'est-à-dire que les 1% les plus riches des États-Unis se partagent 1/5 de la richesse nationale. Et ça, c'est en l'espace d'à peu près 30 ans, quoi. Donc, wow. C'est complètement fou. C'est moins prononcé pour les autres pays, mais c'est quand même une tendance qui s'observe partout. C'est vraiment généralisé. Alors, bon, l'article, là, après, essaye d'expliquer un petit peu cette tendance-là. Alors, les différentes raisons, c'est tout d'abord, évidemment, le retour en force de l'idéologie libérale à partir des années 70 et 80 particulièrement, avec toutes les baisses d'impôts qui ont suivi, les attaques sur les syndicats, l'idée qu'il fallait vraiment laisser l'économie fonctionner toute seule et que ça allait aller mieux, ça aboutit inévitablement à une augmentation des inégalités. Par contre, l'article dit que c'est pas la seule raison. On a aussi eu un ralentissement de la croissance mondiale dans les années 70 suite aux crises pétrolières. Ça, évidemment, ça a surtout pesé sur les plus vulnérables, comme c'est toujours le cas. On l'a vu encore avec la crise maintenant. C'est toujours les couches les plus défavorisées qui payent. Donc ça aussi, ça a souvent un impact sur les inégalités. Il y a des changements sociaux aussi. Ça, c'était intéressant. Il disait que, par exemple, l'augmentation des séparations dans les couples, fait en sorte qu'on a beaucoup plus de familles monoparentales, et donc les revenus par ménage sont nettement inférieurs. Donc ça aussi, ça explique finalement, parce qu'on sait que les familles monoparentales sont généralement les plus précaires, les plus vulnérables. Donc là aussi, ça expliquerait, donc par des changements dans les comportements sociaux, etc., cette augmentation qui est quand même assez brutale des inégalités. Alors c'est sûr qu'il y a des variations d'un pays à l'autre en fonction évidemment des systèmes de redistribution, des systèmes de protection sociale qui existent dans les différents pays. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est ça, c'est que c'est partout pareil. Et donc ça, je trouve que c'est un article qui est assez intéressant. Ça devrait nous rappeler, quand on entend toutes les attaques à l'heure actuelle sur les syndicats, sur les taxes, etc., que le résultat c'est ça, c'est une grosse augmentation des inégalités. C'est peut-être pas forcément ce qu'on veut, quoi. Ben merci Cédric, en tout cas c'est vraiment de la lecture très très très intéressante, oui, et fait, enrichissante. Je vous recommande fortement d'aller voir le numéro hors série de la revue Alternative Internationale, et ça fait réfléchir, hein? Des fois on prend pour acquis certaines choses dans nos sociétés, alors parfois ça peut nous quitter. Ça fait du bien d'avoir des vues d'ensemble. Oui, oui, alors merci beaucoup, puis donc on va se quitter le temps d'une pause publicitaire. On se retrouve tout de suite après avec Monsieur Fernand Dumont, membre de l'organisme Développement et Paix. Alors, il va venir nous parler de son expérience dans Bolivie. Alors, restez avec nous. Vous pourriez vivre vos rêves au max. Parce que ce vendredi, le gros lot du Loto Max est évalué à 46 millions de dollars. 46 millions. Loto Max. Chaque vendredi, les soirées du bleu au noir de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Un lieu de rencontre culturelle, branché art et musique. Un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de microbrasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les vendredis du bleu au noir à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue, 88 529 3829. CKRL a des espaces à bureaux à louer. Contactez votre courtier immobilier agréé Remax Fortin de l'Âge, Jean-Philippe Deschênes, 88 653 5353. CKRL 89.1. Les vendredis à CKRL, la soirée se décline du bleu au noir. 18h30, Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi vous proposent les meilleurs rythmes groove avec 100% dynamite. 20h, l'incontournable soirée blues de Michel Dubois, rue d'Auteuil. 22h, on tombe dans le noir. L'univers métal de Démentiellement Vôtre avec Olivier Bercelli. Minuit, la filière métal se poursuit avec Fantasmagorie, animé par Éric Lizotte. Le vendredi soir dès 18h30... Le dimanche, 22h. Laissez-vous entraîner dans l'univers burlesque et absurde de Dr Franco, un vaccin contre la morosité. C'est KRL 89. La soirée du bleu au noir est une présentation du Bal du Lézard. 1049 3e avenue, 88 529 3829. Le Bal du Lézard. ¡Se venga esa primera! Écoutez Añoranzas avec Para los bellos ojos. Merci Jeanne. Alors vous êtes toujours à l'écoute du Grain de Sable ici à CKRL 89.1 pour la deuxième partie d'émission. Alors il y a environ 25 ans, le Salvador, Haïti et la Bolivie étaient les pays montrant les indicateurs de pauvreté les plus élevés d'Amérique. Le Salvador était en pleine guerre civile et Haïti et la Bolivie tentaient d'instaurer une démocratie durable après des décennies de dictature. Alors, ceux qui se souviennent de ces drames survenus, donc c'est sûr que Haïti, lui, a eu le gros tremblement de terre, là, c'est ça, il y a un an, là, il est arrivé ce drame-là, on en parle dans l'actualité. Donc, beaucoup craignaient pour l'avenir de ce pays. Donc, la Bolivie, elle, fait parler d'elle. Elle a fait adopter sa proposition d'inclure l'eau à la liste des droits humains fondamentaux à l'ONU en juillet dernier et elle a maintenu une position particulièrement ferme au récent sommet sur les changements climatiques à Cancun. Alors, vous voyez un petit peu le contraste entre les deux pays. Pourtant, c'est deux pays qui sont sortis de la dictature à peu près il y a 25 ans. Alors, cette semaine, dans le cadre de leur chronique mensuelle, on reçoit un membre bénévole de l'organisme Développement et Paix, Fernand Dumont. Alors, 54 ans, travailleur d'usine. Vous avez participé à un voyage d'immersion de 3 semaines en Bolivie. donc avec 7 autres membres de l'organisme en janvier 2010. Donc, dans le but d'essayer de comprendre ce qui se passait en Bolivie. Alors, c'est bien ça? C'est bien ça. Et ça fait un an. Ça fait un an. Donc, Fernand, bonsoir. Bienvenue bonsoir. Au Grain de Sable. Merci beaucoup. Donc, en tant que citoyen ordinaire qui s'intéresse et s'engage sur des questions de coopération et de développement international, vous savez que vous êtes un des rares, hein? C'est pas tout le monde qui fait ça. Alors, comment vous percevez la différence de trajectoire d'Haïti, de la Bolivie? Oui, et puis effectivement, après nous être préparés un an pour aller là-bas, on a été surpris dès les premiers jours de notre arrivée en janvier, en voyant dans les journaux, c'était le drame à Haïti. On était dans un pays qu'on pensait à peu près aussi pauvre qu'Haïti, et là, quelques jours après le tremblement de terre, on voit dans les journaux que la Bolivie a envoyé un contingent d'aide humanitaire, 200 personnes, des infirmiers, des médecins, des gars de l'armée spécialisés dans les opérations d'urgence. Un pays presque aussi pauvre est capable d'aller aider. Mm-hmm. Alors là, ça m'a chicoté depuis un an. Alors, tout ce que j'ai appris en Bolivie, ça me revient toujours. Qu'est-ce qui est arrivé en Haïti, puis qu'en Bolivie, les deux trajectoires différentes, mm-hmm. qui fait qu'à un endroit, on voit des résultats sur le plan humain, et à l'autre endroit, c'est un drame après l'autre. Puis là, bien évidemment, la plupart des gens ont une désespérance face à Haïti, mais moi, ce que je veux dire aujourd'hui en parlant avec toi, mm-hmm. c'est de démontrer qu'à partir des modèles de développement que j'ai pu voir en Bolivie, j'ai beaucoup d'espérance pour l'avenir d'Haïti, malgré tout. Alors, je vous laisse aller. OK. Alors, ce que j'ai pu observer en Bolivie, c'est que ce pays-là, après, malgré tout le courant néolibéraliste des années 80, au moment qu'il devenait indépendant... sortait de la dictature. Alors, il y avait des pressions économiques terribles. On a parlé de mondialisation, on sait c'est quoi. On réussit à demander, à partir de, c'est les gens qui lui demandaient que l'aide n'aille plus à des secours d'urgence uniquement ou quelque chose de condescendant, mais qu'on soutienne vraiment le renforcement des communautés, des organisations civiles. Alors, Développement et Paix, entre autres, et d'autres organisations ont pris ce modèle-là. Par contre, une organisation comme le USAID n'ont pas embarqué là-dedans, alors ils sont sortis un peu de la Bolivie depuis 15 ans. Ah oui, parce que USAID, américain. C'est plus d'urgence. Ben oui, c'est un modèle d'aide, mm-hmm. on pourrait dire condescendant. Là. Nous, on est bons, puis vous autres, vous êtes faites pauvres, vous avez besoin d'aide. Alors nous, le modèle qu'on a choisi, c'est sûr qu'il y a des secours d'urgence qu'il faut apporter. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des soutiens techniques, matériels, en termes d'outillage qu'on peut donner. Mais il faut toujours essayer d'y aller, on pourrait dire de façon d'égal à égal. Alors okay. moi, ce que j'ai aimé dans mon voyage, ça a été toujours des relations d'égal à égal. On n'était pas là comme des gens supérieurs. Même mm-hmm. je considère que j'allais là à l'école. Parce que j'ai appris, quand je fais le total, puis avec les gens avec qui j'ai voyagé, qu'on parle de notre expérience, on est encore assez renversé de l'expérience... on pourrait dire, d'organisation sur le terrain avec très peu de moyens que ces gens ont pu avoir. C'est un modèle de développement où c'est la communauté qui réussit à sortir de l'urgence, qui mm-hmm. se prend en forme, puis au point où ce que M. Evo Morales, qui est d'ailleurs a fait ses classes, on pourrait dire, dans la société civile, chez un de nos partenaires, ah oui. il était syndicaliste. Alors, ce gars-là finit par avoir la stature de pouvoir devenir un président, et d'ailleurs, être respecté, même par ses adversaires, mm-hmm. ce qui aurait été impensable dans le passé, quand ça ne fait pas l'affaire. Mm-hmm. Alors ça, c'est un avancé au niveau du démocratique qui est impressionnant. Puis quand vous parliez là, du modèle de développement, vous parliez que c'est un modèle plus à long terme. Là, c'était pas. C'est ça. Pouvez-vous préciser pour les auditeurs? Oui, un exemple. On peut y aller. Prenons la partie est du pays, les deux tiers du pays, qui est la zone amazonienne tropicale. Mm-hmm. Alors, traditionnellement, il y avait beaucoup de richesses là. Traditionnellement, ce que faisaient les dirigeants, c'est qu'ils liguaient toutes les il y a une trentaine au moins d'ethnies qui vivent là en Amazonie, c'est comme au Brésil, à toute l'Amazonie, c'est à peu près pareil. Alors, c'était liguer une gang contre l'autre pour avoir le contrôle, donner des privilèges à un, pas à l'autre, et puis contrôler le territoire comme ça. Alors, nous, un des partenaires qu'on a, c'est un groupe d'avocats et de travailleurs sociaux. Alors, ils s'en donnent comme donc, mission. Excusez-moi pour vous arrêter. Quand vous parlez de partenaires, donc oui. c'est la population, c'est des Bolivien. C'est des gens de là-bas qui le okay. font. Nous, mm-hmm. on appuie, on s'entend sur un projet qu'on trouve qui va dans la lignée du développement qu'on souhaite. Mm-hmm. On se trouve des alliés qui ont déjà une force là-bas. Oui. Et puis, on les appuie financièrement. Parfait. Donc, c'est ça un petit peu le développement. Alors, appel, exactement. On ne va pas là travailler. Donc, on va c'est là, ça. Donc, cet argent-là sert aux organisations locales. Même donc à la population. Ça met de l'argent dans l'économie du pays, en plus, directement. Là, c'est pas un travailleur international. C'est sûr qu'il y a des chargés de projet, mais c'est limité au minimum pour le suivi des projets. Alors, ces personnes-là, ce qui est fantastique, c'est qu'ils ont réussi à gagner la confiance des différentes organisations. Il y en avait deux grandes, la Confédération des peuples indigènes et la Confédération des paysans des peuples ethniques. Mm-hmm. Alors, ces gens-là étaient toujours pris, c'était toujours à couteau tiré. Ils ont réussi à se faire respecter des deux et à les faire travailler ensemble, pas les fusionner. Non, gardez votre identité, c'est votre histoire. Mais qu'est-ce que vous avez en commun pour la gestion de la terre ici en Bolivie pour aider les résoudre les problèmes d'inondations récurrentes, l'alimentation, tout ça, les routes? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce genre de société qu'on veut? Et en plus, quand on était allé, il était avec un projet récent, avec une communauté qui s'appelle les Ayoyrod. Eux, ils ont toujours été à part. Ils fuyaient toujours des Occidentaux, jusqu'à ce que ça soit impossible parce qu'il y a du monde partout. Mais ces gens-là, par tradition, ils fuyaient parce qu'ils refusaient la lutte, le combat. Alors, ces gens-là, le dossier sur lequel ils travaillaient, c'est que pour avoir le droit de vote, il fallait que tu aies fait ton service militaire. Ces gens-là étaient par tradition antimilitaristes. Alors, il fallait qu'ils trouvent une façon légale, dû au fait que la Constitution maintenant reconnaît le droit des peuples autochtones et leur culture, de leur donner... de leur reconnaître une espèce de service civil où ils n'ont pas besoin de faire un service militaire pour être reconnus comme bons citoyens. Okay. Alors, c'est toute une question légale, mais qui est fondamentale pour le développement humain. Ils travaillaient là-dessus quand on était là. Ah, okay. Alors, présentement, les trois organisations sont voisines. Ils peuvent s'astiner, ils se parlent ferme, mais ils s'entretuent peu, puis ils se méfient des politiciens qui veulent les acheter. Alors, c'est pour la démocratie, c'est merveilleux. Et okay, puis pour en revenir là, un peu aux différences là, de trajectoire entre Haïti et la Bolivie, comment vous percevez ça? Oui, OK, si on va plus loin, ça c'est sûr que c'est un contexte de milieu autochtone, c'est différent, mais présentement, la Bolivie, depuis un nombre d'années, moi que je suis les dossiers, n'ont plus besoin de secours d'urgence. Je sais qu'il y a peut-être 5 ou 6 ans, il y a eu des grosses inondations avec le Paraguay dans le Chaco où il y a vraiment eu besoin d'aide. Mais depuis ce temps-là, il y en a eu d'autres. Il y a eu des froids, il y a des crises. Mais ils sont capables de s'organiser avec les pays voisins entre eux. Même, ils sont allés au Chili. Et puis, les Chiliens viennent les aider. Mais ils n'ont plus besoin de crier au loup à l'ONU parce que ils ont des ressources. Ils ont développé un minimum d'infrastructures et puis de logistique, puis de fierté, puis de prise en charge. Fait que ça, c'est déjà sortir de, on pourrait dire, du premier niveau, là. OK. Et puis, le deuxième niveau, c'était l'éducation. Alors là, il y a eu des grands programmes d'alphabétisation. Et puis, ils sont vraiment à la troisième étape, ce qu'Haïti n'a pas réussi à faire. Nous, ça fait longtemps qu'on a des partenaires à Haïti, mais à cause du contexte politique. Et puis, le meilleur exemple, c'est la gestion en agriculture, la souveraineté alimentaire. Haïti se faisait, vu que quand t'es très, très pauvre, alors les pays riches te donnent du blé ou du riz gratis. Le cultivateur, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, le voisin, il va dire, je t'achète pas ton riz, j'ai juste à attendre, puis quand le camion de l'ONU va arriver, ils vont nous en donner gratis. Alors, le pays n'existe plus, le paysan n'a pas de motivation à travailler, puis personne, tout le monde attend, puis ça crée une espèce d'attentisme très malsain pour un pays. Alors, à la Bolivie, ils ont travaillé à sortir de là. C'est pauvre parce qu'il n'y a pas de route et il y a plein de problèmes, mais au moins, ils ont la fierté de dire, on est capable, on a des richesses, on est capable d'être autonome puis de se prendre en main. Ce qu'Haïti n'a pas encore réussi à faire, et c'est ce qu'on essaie de faire, entre autres à Haïti. OK. Alors, avez-vous des exemples d'agents de changement pour le mieux en Bolivie? Oui, c'est ça, on a parlé d'un. Les autres, ça se situe vraiment dans ce qu'on pourrait dire dans les Andes, dans le plateau andin, entre 2500 et puis 4000 mètres d'altitude. Alors là, c'est un territoire autochtone différent, parce que c'est les Aymara et les Quechua, c'est-à-dire les descendants du dernier empire Inca. Alors, dans ces gens-là, on participait à la révolte avec Bolivar à l'époque de la décolonisation, mais les premiers Européens qui sont devenus Boliviens au début 1800 leur ont dit « OK, on se métisse, on est chums, mais si vous voulez faire de quoi, faut que vous deveniez des Occidentaux. Alors, lâchez votre culture. » Ces gens-là ont refusé, donc ils ont vécu à l'écart. Le grand défi après la révolution de 1952, ça a été d'essayer de redonner de la fierté à ces gens-là. Ça n'a rien fait à cause, justement, de toute la dynamique des dictateurs. C'est un pays avec des grandes richesses minières, contrôlées par l'extérieur. Et puis là, tu as tout un mouvement qui change. Entre autres, tu as eu une première nationalisation en 1952. Ça a été un échec à moyen terme. Et c'est recommencé. Là, ils profitent des hauts niveaux de prix, de l'étain, entre autres, et de l'or, parce que c'est, les mines ont été renationalisées en partie, alors le pays. Ça, c'est, mais c'est, ils ont fallu qu'ils le fassent. Oui, oui, oui. Et puis, entre autres, à Wanuni, une ville essentiellement minière, il y a une radio communautaire, comme CKRL. Mm-hmm. Alors, il n'y a pas de route, c'est très isolé. La radio communautaire, c'est un outil essentiel pour, faire de l'éducation populaire, apprendre aux gens, puis dans leur langue aussi, développer des outils. Il y a une école d'agriculture. Il y a beaucoup de femmes impliquées. Il y a eu une crise. La guerre civile a failli prendre il y a 6 ans, au début du premier mandat d'Evo Morales. Et l'organisme qui a réussi à régler ça, c'est pas le gouvernement, c'est pas des avocats. C'est le réseau communautaire de notre partenaire à Wanuni, qui était surtout composé de femmes. Mm-hmm. Ils ont réussi à aller voir les mineurs, des gars durs. On a visité une mine. On a vu un travail très dur. Ils ont assassiné puis on règle nos problèmes sans se tuer. Alors ça, c'est une victoire, là, au niveau humain. Ça n'a jamais été réussi avant. Mm-hmm. Alors, c'est un succès. Et puis, la FTSC, d'où vient Evo Morales, dans le coin de Cochabamba, c'est la même chose. En 90, il restait 8 syndicats sur 80. Mm-hmm. Et puis, ils ont réussi à remonter avec la poussée néolibérale. Et là, ben, présentement, ils sont à 50. Et puis, ils ont réussi à organiser des activités. Ils poussent sur le président pour qu'il y ait que les changements sociaux dans les politiques et économiques se fassent, qu'ils résistent aux pressions internationales des grands banquiers, du Fonds monétaire international. Mais ça vient de la base. Mm-hmm. Un président, il peut pas rien faire si, à la base, les gens disent non. C'est là qu'on va, puis il y a une discussion qui se fait, c'est difficile, mais le taux de violence est en baisse toujours. Les gens sont prêts à s'astiner pour trouver des solutions. Alors, merci, Monsieur Dumont. Alors, vous êtes vraiment, en tout cas, vous témoignez un petit peu de votre expérience en Bolivie. Alors, on va se quitter un court instant pour prendre une dernière pause musicale. Alors, restez bien avec nous. On se retrouve après pour la dernière partie de l'émission. À tantôt. ¿Dónde te vas con tu tari de miel? Para tu amor cortando el sur. Trazao de luz, sombrerito de sao, en el campo vestido de azul. ¿Dónde te vas con tu tari de miel? Para tu amor cortando el sur. Trazao de luz, sombrerito de sao, en el campo vestido de azul. Cambita triste que estabas paseando por esos senderos de sol. ¿Dónde te vas? ¿Dónde estará la miel de tu corazón? Cambita triste que estabas paseando por esos senderos de sol. ¿Dónde te vas? ¿Dónde estará la miel de tu corazón? Taquidari de ardiente son y el sirari tu sangre en flor. Búscala, síguela, es ella tu ilusión. Taquidari de ardiente son y el sirari tu sangre en flor. Búscala, síguela, es ella tu ilusión. Paseando por esos senderos de sol. ¿Dónde te vas? ¿Dónde estará la miel de tu corazón? Cambita triste que estabas paseando por esos senderos de sol. ¿Dónde te vas? ¿Dónde estará la miel de tu corazón? Taquidari de ardiente son y el sirari tu sangre en flor. Búscala, síguela, es ella tu ilusión. Taquidari de ardiente son y el sirari tu sangre en flor. Búscala, síguela, es ella tu ilusión. Okay. On a entendu Cortando el Sur avec Taquilari. Merci, Jeanne. Vous êtes toujours sur CKRL avec l'émission Le Grain de Sable jusqu'à 18h30, suivi de l'émission 100% Dynamite. Alors, on était en train de discuter avec Monsieur Fernand Dumont, membre de Développement et Paix, et alors son expérience en Bolivie. Alors, c'est ça, tu parlais des femmes, l'importance des femmes, puis beaucoup des changements, là, donc, changements sociaux qui ont eu lieu en Bolivie. Par le sud, mais chanté par une dame, une Bolivienne. Oui, effectivement. La Bolivie, entre autres, a une nouvelle constitution depuis l'an dernier, depuis 2008. Oui, elle a été approuvée officiellement avec le premier mandat du gouvernement en 2008. Mais contrairement aux constitutions dans les pays du sud, ce qu'on voit généralement, c'est que les femmes sont en dehors de la politique, ils participent pas, même il n'y avait pas le droit de vote, quasiment, c'est comme au Québec. Alors que là, moi, ce qu'on a vu, puis que les femmes nous racontaient, c'est que quand ils ont écrit la Constitution, ils étaient dans les assemblées, il y avait des propositions, puis il fallait que ça passe, puis c'était essentiel. Est-ce que vous croyez que ça peut naître des phénomènes sociaux comme ça en Haïti? Absolument. La clé, c'est tout. Moi, je crois, je pense que le développement impérial, la plupart des gens le croient, le plus bas du plus bas, là, c'est de là que ça part. C'est le maillon le plus faible qu'il faut que tu renforcisses. Puis souvent, dans la pauvreté, les plus pauvres, c'est les femmes. Mais au Québec, c'est pareil. Je pense que c'est celui des dossiers de conditions de la pauvreté. En Bolivie, on a visité deux grandes organisations qui étaient des femmes. La Fédération des travailleuses de maison. Et puis, le CEPROSI, qui est une organisation communautaire. Où qu'on donne des services sociaux. C'est vraiment le CLSC là-bas, là. Mais indépendant du gouvernement, mais tellement apprécié par tous ces gens-là. Ils ont pas de diplôme puis de grands titres, mais partout, ils sont reconnus, respectés, ils développent un leadership social. Alors, en ce qu'on essaie de faire en Haïti, moi, je suis les derniers depuis un an, les programmes qu'on a mis en place, avec l'argent qu'il y a eu de plus, on a pu les renforcer. C'est des programmes qui sont très multiplicateurs. Ce qu'on travaille surtout en Haïti, ce qu'on a privilégié, c'est refaire renaître la souveraineté alimentaire. Alors, dans les campagnes, la base de la vie sociale, c'est les femmes. Les gars, ils font du travail, mais pour l'organisation communautaire, l'atelier, c'est les femmes. Quand les femmes sont organisées pour pouvoir s'occuper de leur famille, faire à manger convenablement, s'instruire, tout ça, la vie renaît dans la communauté, puis ça finit par créer une force qui vient même au plan politique, mais c'est pas imposé de l'extérieur. C'est un mouvement qui vient de l'intérieur des gens. Ils se donnent un modèle de vie qui leur plaît. Puis en Amérique du Sud, en général, les pauvres, c'est pas des gens ambitieux. Hein. C'est le bien de vivre qu'ils disent. Pensez-vous? Les gens qu'on a rencontrés, c'est sûr qu'il y a du monde qui sont influencés par la culture occidentale de tout posséder, là, mais général... C'est une belle philosophie quand même de profiter de la vie. Oui, mais on peut profiter de la vie sans la surmultiplication des biens de consommation. C'est ce que les gens là-bas souvent croient. Alors, quand on part dans un modèle de développement où ce que, dans le fond, dans la culture, la simplicité volontaire existe, presque. Parce que ce que vous me dites, dans le fond, c'est de partir avec un modèle de développement qui, dans le fond, qui correspond à la culture. Voilà. Donc, de pas imposer un modèle qui est plus occidental. Effectivement. On a la tendance en Occident à imposer nos modèles parce qu'on pense avoir réussi. Mais là, c'est sûr, vous avez parlé dans la première partie de l'émission des défis de la mondialisation. On fait face à des absurdités. Et les pauvres dans le Sud, ils savent que ces modèles sont absurdes. Alors, faut leur donner l'occasion de promouvoir des modèles qui viennent d'eux, qui leur ressemblent, puis qui sont autres, qui sont alternatifs. Qui responsabilisent les populations. De ce que vous me dites, là, de ce que j'ai entendu, ça responsabilise. En tout cas, ils deviennent plus autonomes et moins dépendants de l'aide extérieure. C'est ça. Est-ce que c'est un peu ça qui se passe avec Développement et Paix en Haïti? Oui. C'est le drame qu'on se parle entre membres souvent, c'est que quand il y a un événement hyper dramatique qui fait qu'il n'y a plus d'autres solutions, c'est l'élément déclencheur qui donne une espèce de ressort nouveau à des gens où ce qui aurait peut-être plus rien. Mais ils ont besoin de sentir quand même qu'on les appuie inconditionnellement quelque part puis qu'on leur impose pas quelque chose. Alors, c'est pas pour rien que les forums sociaux mondiaux sont nés au Brésil. Attaque en fait partie, développement fait partie, mais c'est né de ces pays-là. C'est des gens qui ont une vision du monde qui finissent par nous influencer dans notre lecture. Tout à fait. Puis aussi des modèles aussi qui exploitent pas. Voilà. Alors ça c'est. Ça peut être des fois ça peut. Ouais. Et puis même présentement dans les pays occidentaux, le modèle que je vous parlais, le troisième niveau qu'on pourrait dire là, qui est plus horizontal, plus d'égal à égal, c'est pas tout le monde qui accepte ça. On a encore beaucoup de mentalité paternaliste d'apporter de nouvelles solutions. Mm-hmm. Alors, pas viser ça, c'est très dur parce qu'il faut piler sur notre orgueil de dire, ben non, on sait pas tout. Puis peut-être qu'ils sont même meilleurs que nous autres. Puis quand tu vas voir, je pense que ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, je serais pas été capable de le faire. Ça, c'est ça que j'ai appris, c'est ce que je peux dire aujourd'hui. J'ai vu des choses, malgré un pays très pauvre, beaucoup moins riche qu'ici, j'ai vu des gens faire des choses que moi, j'aurais pas été capable de faire. Alors, il y avait de quoi à m'apprendre. Alors, c'est une belle leçon d'humilité. Oui, et surtout de la part des femmes. faut le dire aussi. Alors, les mots de la fin? Les mots de la fin, c'est... découragez-vous pas, les gens, si vous voyez des mauvaises nouvelles. Il y a toujours, dans le fond, il y a toujours moyen de se solidariser à la base avec des gens ordinaires, puis d'avoir des relations interculturelles d'égal à égal, même si le défi est grand, c'est possible. Alors, eh bien... c'est là qu'est la joie de vivre. Exactement. Merci, Fernand Dumont. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. On va devoir se quitter. Écoutez, on aurait pu continuer cette entrevue encore une autre demi-heure et même une heure. On va peut-être revoir M. Dumont dans une autre émission. Ou une de mes amies. Alors, grand merci d'être passé à l'émission. Je veux remercier toute l'équipe. Donc, un grand merci à Jeanne Gutiérrez qui est à la mise en onde, à Cédric Leterme et je vous remercie encore une fois, M. Dumont, pour vos interventions. Alors, on vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles via les deux sites, donc le site de CKRL et le site d'Attaque Québec. Alors, vous pouvez, sur le site d'Attaque Québec, aller faire un tour si vous voulez participer à des actions ou également devenir membre. Alors, je vous rappelle, vous pouvez nous écrire si vous avez des commentaires, des idées, des sujets d'émission ou simplement vous exprimer. Alors, legraindesable@hotmail.com est là pour ça. Alors, quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grain de sable. Alors, vous étiez avec Valérie Blouin au microphone. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous laisse maintenant en compagnie de Jean-Baptiste Duvigneault et Goulvendi avec 100% Dynamite, donc une émission musicale groovy. Alors, tout de suite, après ces quelques publicités sur les ondes de CKRL, cette radio merveilleuse qui cultive tes goûts.